Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh my God. À pas gagner, moi j'ai rien faire d'autre. No, no. Longue vie à nous, rien nous arrête. Yeah. Dieu merci pour ce genre de vie. Oh, c'est passé, on visera toujours plus haut. Shit. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Où je vais, oh on prend un pas si tu veux changer d'air. On en a vu de toutes les couleurs. J'en passe cette vie avec des billets verts. Oh oui, je le mérite. Oh oui. Tu méprises, moi j'en souris. Shit. Merci, grâce à toi j'en suis là. Thank you so yeah. Much. Yeah. Le soleil dans le viseur. T'y arriveras pas, c'est ce qu'on me disait. Je suis au bord de la mer, sirote une tisane. Oh, yeah. Dans le club, refus le sommet, frappe le diesel. Baby, yeah. On va se poser. Je t'emmène, tu vas bronzer. Follow, pose pas de questions. Nah, nah. À pas gagner, moi j'ai rien faire d'autre. Nah, nah. Longue vie à nous, rien nous arrête. Yeah. Dieu merci pour ce genre de vie. C'est pas si on visera toujours plus haut. Shit. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh maman, t'es partie avant d'être grand-mère. Pour toi, j'aurais tout fait. Je suis tête en l'air, je pense à toi. C'est la vie, c'est le destin. Pas de zigzag, j'irai tout droit. Pas de compte à rendre, je t'emmerde droit. Tout va bien dans la mer, quoi. Longue vie à nous, on gère la zone. Yeah. À pas gagner, moi j'ai rien faire d'eau. Longue vie à nous, rien nous arrête. Yeah. Dieu merci pour ce genre de vie. C'est passé, on visera toujours plus haut. Shit. Oh, oh, oh, oh, oh. Let's go. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yeah. Oh my God. Ah, c'est jamais assez, il en faut toujours plus. Hein. C'est jamais assez, il en faut toujours plus. Hein. Longue vie à nous, longue vie à nous, longue vie à nous, longue vie à nous. C'est jamais assez, il en faut toujours plus. C'est jamais assez, il en faut toujours plus. Hein. Longue vie à nous, longue vie à nous, longue vie à nous, longue vie à nous. Ah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. À pas gagner, moi j'ai rien faire d'autre. No, no. Longue vie à nous, rien nous arrête. Yeah. Dieu merci pour ce genre de vie. C'est pas si on visera toujours plus haut. Shit. Oh, oh, oh, oh, oh. Let's go. Oh, oh, oh, oh, oh. Yeah. Oh my God. À pas gagner, moi j'ai rien faire d'autre. No, no. Longue vie à nous, rien nous arrête. Yeah. Dieu merci pour ce genre de vie. C'est passé, on visera toujours plus haut. Yeah. Oh, oh, oh, oh, oh. On va essayer un autre truc. Qui? Let's go. Yeah.